qu'il existe une cassette de mystère. Tu la visionnes, une semaine après, tu me... Brigadier belge avec un fort accent belge cette fois. Mystère. Des femmes qui volent dans une maison dans le brouillard. Mystère. Un brouillard plein de mystère. Mystère. Les mystères mystérieux de la radiesthésie. Des expériences d'hypnose et de télépathie sur le plateau de Mystère. Dans Mystère, il y a des ovnis. Est-ce vrai ou est-ce de la folie? Tu m'empêches de dormir. Je fais des cauchemars. Tu m'empêches de dormir. Dans le noir. Il paraît qu'il existe une cassette de mystère. Tu l'as visionnée une semaine après tu meurs. Arrête ça tout de suite. Je veux pas savoir, ça me fait peur. Peut-être que le fantôme de Mystère est déjà dans l'air. Des reconstitutions avec les gens à qui c'est arrivé. Ou bien avec les acteurs quand ils ne veulent pas se montrer. Ou bien qu'ils sont morts parce que c'est un mystère très très vieux. Et que du coup, ils auraient eu 10 000 ans s'ils avaient été vivants. Quel mystère! Et ils auraient dû se déplacer en segment tout terrain à cause de leur arthrose. Pour serrer la main à Alexandre Balou. Peut-être que Alexandre Balou, bah, c'était un balou-garou. Mystère. La dame blanche avant le virage. Mystère. Les cadavres qui ne pourrissent pas. Mystère. Les fantômes ça et là. Des effets spéciaux du Moyen-Âge. Tu hantes mes nuits. Je fais des mauvais rêves, plein de mystères infinis. Tu ne connais pas de trêve. Il paraît qu'il existe une cassette de mystère. Tu l'as visionné une semaine après tu meurs. Arrête ça tout de suite. Je t'ai dit ça me fait peur. Thank you. lumière. Tu la lumière, il se mêle à bois et tu meurs. Il paraît qu'il existe une chanson sur mystère. Tu l'écoutes et puis juste après tu meurs.